même si c'est dur, je prends sur moi et je reste sincère. C'est ça, l'homme sente mais se colle mes locks comme des sens. Il est trop chaud, c'est stressant, mais je suis là même si ça saoule. Avec un peu de chance, encore une affaire s'ensuit. Sur le trottoir de gauche à l'affût comme un bac. On extingue ton lap, tout efficace quand y'a bagarre. On prend la grosse tête quand ça part de kilos de benard chez Dani. Si les blocs de glace se vendent en flocons. Que, y'a les gueules dans la porte à 6 heures. Là, juge moi dans le viseur. Que, y'a les gueules dans la porte à 6 heures. Là, juge moi dans le viseur. Oh, le coffre est plein, cousin. Viens, on y va maintenant. Je vais pas te regarder, moi je vais te bombarder, c'est direct la bagarre. J'ai l'air malhonnête, je suis juste bien sévère, j'éclate l'ampoule à baïonnette si tu me menaces sur le net. Bang bang, le 9 il est éteint, les gang bang, le terrain ferme, ferme la porte derrière toi, je suis plein plein. Si les gueules font des rondes à midi, c'est pour que tu ne manges pas l'après-midi. Les petits l'ont compris, ils sont mille, on ne sait même. Que y'a les gueules dans la porte à 6 heures, là juge moi dans le viseur. Que y'a les gueules dans la porte à 6 heures, là juge moi dans le viseur. Oh, le coffre est plein, cousin, viens on y va maintenant. Viens on y va maintenant, viens on y va maintenant. Regarde-moi bien, cousin, je vais pas te regarder. Moi je vais te bombarder, c'est direct la bagarre. Ils en font des tonnes, ils béton pour des grammes, je regarde pas. La couleur, on sera tous jugés par nos âmes. J'ai plus confiance en l'animal qu'en les hommes. Madame la juge, c'est pas moi, c'est de la faute des autres. On tient les blocs, ils tiennent des zizi. On vend coke, shit, buzz jusqu'à minuit. Tu peux me croiser, RSOG ou en pluie. J'encaisse sale, yankli sale, billet sale, couleur kiwi. Devant l'OBJ, je deviens muet, j'en perds Louis. J'suis marocain, mais j'suis né dans le pays de Louis. C'est que mon usine n'est pas usée, j'aime ta folie. J'obtiens plus avec une arme qu'en étant poli. Que, y'a les gueules dans la porte à 6 heures, là juge moi dans le viseur. Que, y'a les gueules dans la porte à 6 heures, là juge moi dans le viseur. Oh, le coffre est plein, cousin, viens on y va maintenant. Viens on y va maintenant, viens on y va maintenant. Regarde-moi bien, cousin, je vais pas te regarder. Moi je vais te bombarder. Ce que y a les gueules dans la porte à 6 heures, là juge-moi.